إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 37 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, dans les versets précédents, dans les explications qu'il a mentionnées, il donnait des preuves que les croyants ont des degrés différents et ont des niveaux différents. Maintenant, il cite un autre verset cette fois-ci, qui est dans Surat At-Tawbah, le verset 19 à 22. Donc on va lire ensemble ces versets-là. الشيخ الذي وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins, parce que les mouchrikoun à l'époque, ils donnaient à boire aux pèlerins et ils entretenaient la mosquée. Donc ils disaient: nous on est meilleurs que les musulmans parce qu'on donne à boire aux pèlerins puis on s'occupe de la mosquée, Masjid al-Haram. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les réfute dans ce verset et il leur dit: ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Et Allah ne guide point les gens injustes. Ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Naam. Donc, Cheikh Al-Fawzan, maintenant, il va expliquer ce verset-là. Il dit: Al-A'mal tatafadal. Aydan, siqayat al-Hajj, siqayat al-Hajj, wa imarat al-Masjid al-Haram, hadhihi a'mal salihah. Lakin, al-jihadu fi sabilillah, afdalu min hadha. لأن هناك من يفتخر بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وخدمة الحجاج وظن أن هذا يكفي. الله عز وجل بين أن هناك ما هو أعلى منه وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que les œuvres ne sont pas toutes équivalentes. Il y a des œuvres qui sont meilleures que d'autres. Et donc il dit, comme par exemple le fait d'abreuver les gens qui font le hajj, d'entretenir la mosquée al-haram, de faire des, il dit ça, tout ça c'est des bonnes œuvres, mais le jihad fi sabilillah, il est meilleur que ça. Le jihad fi sabilillah est meilleur que ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont se vanter que eux ils s'occupent de la mosquée, qu'ils donnent à boire à ceux qui font le hajj, ils s'occupent, ils servent les hujjaj, et ils pensent que ça c'est suffisant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que, il y a des choses qui sont plus hautes en degré que ça, comme le jihad fi sabilillah. Puis après le cheikh il dit: wa siqayatul hajj tawfiru al-ma' lahum min zamzam wa siqaya wa as-siqaya kanat li ba'd butun bani hashim wa ba'dhum yatawalla ar-rifada wa hiya it'am al-hujjaj wa ba'dhum yatawalla as-sadana yani sanadat al-ka'ba fakanat a'mal al-hajj موزعة على قريش منهم من يتولى سدانة الكعبة فتحها وإغلاقها والمحافظة عليها ومنهم من يتولى سقاية الحجاج يعني توفير المال للحجاج في المشاعر، ومنهم ما يتولى الرفادة يعني وهي إطعام المحتاجين من الحجاج، هذه أعمال جليلة، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها، فدل على أن الأعمال الصالحة تتفاضل، فالذي يجاهد في سبيل الله أفضل من المعتكف في المسجد الحرام. سبحان الله، مع أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، لكن الجهاد في سبيل الله أفضل. Et le cheikh, il explique ici, il dit que le fait d'abreuver, hein, de donner à boire au hujjaj de l'eau de Zamzam, hein, et de s'occuper d'abreuver ceux qui viennent pour le hajj, le cheikh, il dit que ça, c'était un travail qui était assigné ou qui était donné à certaines des branches de la famille de Bani Hashim, de la famille de Hashim parmi la tribu de Quraysh. Et d'autres s'occupaient de la nourriture et de donner à manger aux Hujjaj. Et d'autres s'occupaient de la Kaaba elle-même. Hein? Et d'autres, donc, avaient différentes tâches. Et ça, c'était distribué aux différentes parties de la tribu de Quraysh. Certains s'occupaient de la Kaaba, ils l'ouvrent, ils la ferment, ils s'en occupent. Hein? D'autres, ils s'occupent de faire boire les Hujjaj et leur donner de l'eau, que ce soit à Mecca ou bien dans les différents rites, dans les différents endroits, et d'autres s'occupent de les nourrir, hein, s'ils sont dans le besoin. Donc ça, c'est, le cheikh dit ça, c'est des bonnes œuvres. Mais il y a d'autres catégories d'œuvres, de bonnes œuvres qui sont meilleures que ça, et il mentionne comme exemple le jihad fi sabilillah. Aussi, il ne faut pas oublier une chose, et comme c'est mentionné dans le verset aussi, c'est que ces gens-là sont des kuffars et des mushrikins. Donc peu importe les bonnes œuvres qu'ils font, eh bien Allah ne va pas les accepter du moment qu'ils ne sont pas croyants. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Comme celui qui a cru en Allah et au jour dernier. Juste le fait de croire en Allah et au jour dernier, c'est meilleur que tout ça. Hein? Puis aujourd'hui, on a des gens par exemple qui travaillent pour des associations, hein, qu'est-ce qu'on appelle des associations humanitaires, ou bien ils font des OMG comme on dit, et ils vont dans des ONG, ils vont dans des pays sous-développés ou bien des pays pauvres, et puis ils vont construire des puits, faire des écoles ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont des bonnes œuvres, mais sans la foi, ça vaut rien, hein, parce qu'au jour de la résurrection, celui qui fait ça, il n'aura pas de récompense, hein. Même les organisations comme les gens qui vont guérir les malades ou des choses comme ça, s'ils font ça, c'est bien, c'est une bonne action. Mais la foi en Allah, hein, ça c'est plus important. Et de croire à l'au-delà, c'est plus important que ça encore. Et donc le cheikh, il explique que en même temps aussi, parmi les œuvres, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Et il donne l'exemple de celui qui fait le jihad fi sabilillah et qui lutte dans le sentier d'Allah. Eh bien, il est meilleur que celui qui reste dans la mosquée, al-haram, pour adorer Allah et faire des prières. Il dit, malgré que la prière dans al-masjid al-haram, elle vaut 100 000 prières. Chaque prière que tu fais à Mecca, hein, elle vaut 100 000 prières. Mais le jihad fi sabilillah est meilleur que ça. Donc, ça veut dire que la récompense du jihad fi sabilillah, c'est une récompense immense. Bien entendu, à condition que ce soit un jihad qui est légiféré et qui respecte les conditions, hein, de la charia, sinon c'est pas un jihad accepté d'Allah. Donc le cheikh, il dit ensuite, il cite la suite du verset: yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim wa hadha dalilun ala anna al-jihad afdalu min imarati al-masjid al-haram وسقاية الحجاج وإن كانت هذه أعمال صالحة جليلة مع الإخلاص لله عز وجل لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها بكثير خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم هذا للمجاهدين. Donc le cheikh il dit, il leur donne l'annonce, hein, leur seigneur leur fait l'annonce d'une miséricorde de sa part, hein, de même qu'un agrément et des paradis, des jardins sous lesquels ou dans lesquels ils auront un délice permanent. hein, un délice permanent. Et il dit ça, c'est la preuve que le djihad est meilleur que le fait de s'occuper des mosquées et de donner de l'eau aux hujjaj. Hein, et ça, et donc, même si c'est des bonnes œuvres et des œuvres très grandes, très importantes, si on les fait avec sincérité pour Allah seul, hein, et non avec du shirk, comme les mouchriquins, ça, dans ce cas-là, ça vaut rien. Mais sinon, le djihad fi sabilillah, il est bien meilleur que ça. Et il dit, ils vont y demeurer éternellement, et Allah, auprès de lui, il y a certes une immense récompense. Il dit ça, c'est pour les mujahidin. Pourquoi le cheikh, il mentionne les questions du djihad en particulier? Parce que les soufiyas, et ceux qui se prétendent des awliyas parmi eux, c'est des gens qui ne font jamais le djihad fi sabilillah. Hein? Et même au contraire, parfois, quand il y a des moments où les musulmans étaient affrontés à des ennemis extérieurs et que les koufars venaient pour essayer de conquérir les pays musulmans, eux, ils se mettaient avec les conquérants, les ennemis, pour contre les musulmans, hein? Comme c'est arrivé en Algérie, comme c'est arrivé dans d'autres pays aussi. Hein? La tariqa Tijaniya, c'est connu historiquement en Algérie, ils ont aidé les Français contre les musulmans. Et la France leur a remis même des médailles, hein, pour leur service à la France. Allah al-Musta'an. Et on a parlé déjà de Aurélie Picard, vous avez entendu parler d'elle, la princesse des sables. Hein. Elle s'était mariée avec deux cheikhs de la tariqa Tijaniya. Et elle était au service de la France. Donc, quand le premier fils du cheikh de la tariqa, il est mort, elle a épousé le deuxième. Et quand le deuxième est mort, c'est elle qui est restée à la tête de la tariqa. Et elle recevait ses ordres directement de la France. Donc, la tariqa Tijaniya, elle combattait ouvertement pour les intérêts des Français contre les musulmans. Donc ça, c'est des exemples. Enfin, comme le frère, il demande l'origine du soufisme, est-ce que ça vient du christianisme, ou bien que certains ont mentionné que ça venait du soufisme, du christianisme. En réalité, le soufisme, il est mélangé dans ses origines. Il n'a pas seulement une seule origine. Et on retrouve dans différentes religions des choses semblables au soufisme. Qu'est-ce qu'on appelle le mysticisme? Et ça existe chez les Grecs de l'Antiquité, ça existait aussi chez les gens de l'Inde, ça existait aussi chez les Juifs et chez les Chrétiens. Chez les Juifs, il y a qu'est-ce qu'ils appellent la Kabbale, hein? Et il y a aussi les assidim, c'est un peu comme des soufis aussi, hein, si on veut. Et chez les Grecs, la même chose, des idées un peu ésotériques. Puis vous savez que le soufisme, au début, comment ça s'est développé? C'est vrai que c'est certains, parmi les adorateurs, parmi les musulmans, qui ont voulu imiter les moines chrétiens et des choses comme ça. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, à cause du fait qu'ils se sont coupés des ulama et du fait qu'ils se sont isolés, hein, des musulmans et des ulama, eh bien, avec le temps, beaucoup d'hérésies et beaucoup d'autres philosophies se sont infiltrées à l'intérieur du soufisme. Ce qui fait que par la suite, c'est devenu quelque chose de différent, de plus en plus. Donc, c'est pour ça que, au début, le soufisme, qui était juste de faire beaucoup d'adoration et de se concentrer sur l'adoration, puis de délaisser la dunya, qui était à la base une petite égarement, si on veut, parce que ça amène à l'extrémisme ou à l'exagération, est devenu un égarement plus grand lorsque d'autres idéologies se sont infiltrées à l'intérieur. Et la philosophie et l'ésotérisme et d'autres idéologies qui ont fait que par la suite, le soufisme est devenu quelque chose de plus en plus égaré, de plus en plus loin de l'islam. Mais ça, on va en parler plus tard, parce qu'il y a un chapitre qui s'en vient bientôt, où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il va commencer à expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le soufisme, et d'où est-ce que ça vient, puis les égarements qu'ils ont. Oui, Inch'Allah. Donc, le Cheikh ensuite, il cite un autre verset, il dit... وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Donc, comme je disais tout à l'heure, les soufis, beaucoup d'entre eux, ils ont délaissé le djihad complètement. Tu les verras jamais, hein, sur le terrain de bataille ou combattre les ennemis. Même que, comme j'ai dit en Algérie, et même avant ça, même pendant les invasions des Tatars, hein, à l'époque de Ibn Taymiyyah, et aussi contre les chrétiens en Palestine, on a trouvé que certains d'entre eux, justement, ils se sont mis dans les rangs des ennemis de l'islam au lieu de combattre les kuffars et les mouchriquins. Et Ibn Taymiyyah, il en parle dans son livre Ar-Raddu ala al-Bakri. Il mentionne des exemples des soufis qui ont combattu contre les musulmans, et ils ont dit ces gens-là, ils sont venus par la prédestination d'Allah, donc il ne faut pas les opposer, il faut accepter le qadar, et c'est n'importe quoi, hein, comme argument. Mais c'est parmi les exemples que Ibn Taymiyyah a réfuté dans son livre. Et d'autres exemples aussi, mais actuellement là, j'ai pas toutes les choses à la portée de la main, mais si vous voulez, inshallah, j'en apporterai d'autres au Fika Barak. Maintenant, il parle de l'exemple de la science et du mérite de la science, et il mentionne que les awliya d'Allah, donc, sont ceux qui font le djihad, sont ceux qui ont le savoir et la science, et qui cherchent la science. Et donc, pour montrer que les soufis sont les gens les plus éloignés du savoir et de la science. Et ils détestent même la science, et ils détestent les ulama. Et quand quelqu'un part pour chercher le savoir de l'islam, il les met en garde contre ça, et il leur ordonne de ne pas étudier les sciences islamiques et le ilm de l'islam. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a des connaissances de l'islam, quelqu'un qui connaît le fiqh, qui connaît le tafsir, qui connaît le hadith, qui connaît la aqidah, il va voir facilement que ces gens-là disent n'importe quoi. Mais eux, justement, c'est ça ils veulent faire, hein, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent garder les gens dans l'ignorance pour pouvoir plus facilement les manipuler et les contrôler. Et c'est pour ça qu'ils disent au mourid, quand il vient pour prendre l'allégeance à son cheikh et devenir un fidèle de ce cheikh, dans la tariqa soufia, dans une tariqa quelconque, ils lui disent tu dois être comme le mort avec celui qui lave le corps du mort. Tu dois abandonner même ta volonté, hein, devant le cheikh, et tu dois te soumettre à lui totalement et de façon absolue. Oui. Donc, c'est un appel donc au suivi aveugle. Donc ici le cheikh il mentionne ces versets là. Et on va les lire ensemble. C'est le verset 9 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement l'importance de l'adoration à Allah et tout, mais aussi à la fin il mentionne l'importance du savoir. Il dit dans le verset, il dit est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, hein, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc ça c'est pour dire que yani, ceux qui savent sont meilleurs que ceux qui ne savent pas. Puis dans le verset 11 dans Sourate Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah élève, hein, en degré ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Allah élève en degré ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, donc ceux qui ont cru parmi vous, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Donc le cheikh il explique ensuite ces versets-là, cheikh Al-Fawzan. Il dit أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ. قانت يعني القنوت مع هنا معناه طول قيام الليل, طول قيام الليل. قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي هو والمؤمن النائم La yastawi. Donc le shaykh il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit, est-ce que celui qui est debout, qui reste dans des longues prières la nuit, hein, prosterné et debout en prière, il craint l'au-delà et espère la miséricorde de son Seigneur, est-ce que lui il est égal avec le croyant qui dort et qui est en train de dormir dans son lit? Non. Celui qui reste debout en prière pendant la nuit et celui qui dort, ils ne sont pas égaux en bonnes œuvres. Il dit, « La yastawi, amman huwa qanitun ana al-layli, ya'ni sa'at al-layl, sajidan wa qa'iman, yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih, thumma qal, qul, hal yastawi al-lazina ya'lamuna wal-lazina la ya'lamun, wa hadha dalilun ala anna al-ulama afdalu min al-awam min al-mu'minin. » Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, est-ce que celui qui passe ses nuits à prier, hein, est-ce qu'il est égal à celui qui dort parmi les croyants? Non, les deux sont des croyants. Mais ceux qui dorment, ils ne sont pas égaux avec ceux qui prient pendant la nuit. Et de la même façon aussi, est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, hein? Et donc, le cheikh, il dit, ça c'est la preuve, et ça c'est la preuve que les ulama sont meilleurs que le commun des musulmans parmi les croyants. Hein? Ils sont tous croyants, mais les ulama sont meilleurs. Et il dit ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, yafsahillahu lakum. يعني majalis al-dhikr, wa hilaq al-dhikr, li'annahu qad ya'ti man yuridu l'istima'. Wa alaykum salam. Li'annahu qad ya'ti man yuridu l'istima'. ولا يجد مكانا الله أمرهم أن يفسحوا له مكانا ويمكنوه من حضور العلم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا أي مجالس طلب العلم فافسحوا لمن جاء متأخرا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير لأن الجزاء من جنس العمل وسعوا له المجالس يوسع الله لكم في الجنة وفي الدنيا أيضا وإذا قيل انشزوا يعني قوموا إلى الصلاة فقوموا وإذا قيل انشزوا فانشزوا ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذا محل الشاهد فالمؤمنون يتفاوتون والعلماء يتفاوتون في الأجر فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل وأن المؤمنين يتفاضلون ويتفاوتون في الأعمال. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 dans sourate Al-Mujadala, ô vous qui avez cru, lorsqu'on vous dit, hein, espacez-vous dans les assises, espacez-vous, et Allah va vous faire, hein, va vous faire de l'espace, c'est-à-dire dans les assises de science, dans les cercles de science et de rappel, c'est-à-dire quand il y a un dars, hein, ou bien que ce soit dans la mosquée quand c'est le Jumu'a ou quand il y a la prière ou des choses comme ça, les gens viennent pour apprendre, pour écouter, ils ne trouvent pas de place, ils veulent, hein, il vient mais il ne trouve pas de place, il veut écouter, il veut s'asseoir mais il ne trouve pas de place, alors s'il ne trouve pas de place, Allah subhanahu wa ta'ala il vous ordonne de lui faire de la place, hein, de vous espacer ou plutôt de fermer les espaces entre vous pour faire de l'espace pour ceux qui viennent après et qui sont venus en retard pour assister à des assises de science et pour pouvoir profiter du savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ordonne aux croyants de leur faire de la place pour qu'ils puissent assister. Et il dit donc, إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا. C'est les assises de la quête du savoir. Lorsque des gens viennent en retard, faites-lui de l'espace. Et lorsqu'on leur dit, lorsqu'on vous dit فَنْشُزُوا, وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَنْشُزُوا, donc, c'est-à-dire, lorsqu'on vous dit, levez-vous pour la salat, alors levez-vous. Hein? Et il dit le cheikh pourquoi? Parce que al-jaza'u min jins al-amal. La rétribution et la récompense, elle va toujours en correspondance avec les œuvres qu'on a fait. Donc toi tu as fait de l'espace pour ton frère pour qu'il s'assoie, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va te faire de l'espace au paradis et dans cette dunya aussi, hein? Et il dit wa idha qila anshuzu fanshuzu, et lorsqu'il vous dit levez-vous pour la salat, levez-vous, hein? Et il dit, puis ensuite il dit Allah élèvera ceux qui ont cru et qui ont fait des, et qui ont reçu la, le savoir parmi vous en degré. Et c'est ça le point qu'on veut mentionner ici en particulier, c'est que les croyants ont des degrés différents dans leur niveau et ils ne sont pas tous au même degré. Alaykoum salam wa rahmatullah. Que certains sont meilleurs que d'autres, certains auront plus de récompenses, et il dit donc les ulama auront des degrés différents de récompenses, et ça c'est la preuve que les œuvres n'ont pas tous le même mérite et le même degré, et que les croyants ont des degrés supérieurs, certains croyants ont des degrés préférés et supérieurs à d'autres, et que leurs œuvres sont différentes. Donc c'est ce qui vient terminer maintenant cette section par rapport à ce sujet. Là maintenant le cheikh il va rentrer dans un autre point, une autre section. Faslun وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. Donc le cheikh il explique que on a su maintenant qu'un serviteur, il ne sera pas un wali d'Allah, il ne sera pas un serviteur rapproché d'Allah, excepté s'il est croyant et qu'il se préserve contre le châtiment d'Allah en faisant les bonnes œuvres et en s'écartant des péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans la définition du wali dans le verset 62 et 63 dans Surat Yunus, lorsqu'il dit ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il définit le wali. C'est qui le wali dans ce verset? Il dit certes les awliya d'Allah, les serviteurs qui sont rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Ceux qui ont cru et qui ont attaqwa, c'est-à-dire ils se préservent d'Allah et de son châtiment en faisant les bonnes œuvres, en s'écartant des interdictions. Et comme c'est mentionné aussi dans le hadith de Sahih al-Bukhari qu'on a déjà mentionné, dans lequel il est dit que mon serviteur continuera à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Hein? On a dit que le début du hadith, ça dit celui qui déclare la guerre à mon serviteur, moi je lui déclare la guerre. Hein? Puis il dit, le serviteur ne va pas se rapprocher d'Allah par quelque chose qui est plus aimé que ce que Allah lui a rendu obligatoire. ولا يتقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc mon serviteur, après qu'il ait fait les actes obligatoires, il ne va pas se rapprocher plus, excepté en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, quelqu'un ne va pas être un croyant et pieux jusqu'à ce qu'il se rapproche d'Allah en faisant les actes obligatoires. Donc à ce moment-là, il va faire partie des hommes de bien, des gens du bien et des gens de la droite, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Puis ensuite de ça, il va continuer à se rapprocher d'Allah en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce qu'ils fassent partie des sabiqin al-muqarrabin, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah, ceux qui ont dépassé les autres dans le bien. Parce qu'on a expliqué que dans les degrés des croyants, il y a les trois degrés, al-zalimu li nafsi wal-muqtasid was-sabiqu bil khayrat. Hein? C'est les degrés parmi les croyants, ceux qui se font du tort à eux-mêmes, ceux qui sont sur la voie moyenne et ceux qui dépassent les autres dans le bien. Hein? Ceux-là sont les sabiqoun al-awwaloun. Donc dans ce hadith-là, les pieux ou bien les awliya sont ceux qui sont ces différentes catégories-là. Dans toutes ces catégories, il y a des différentes catégories de awliya. Hein? C'est ça que le cheikh il a expliqué déjà. Parmi les awliya, il y en a qui sont des abrar, ahlul yamin, les gens de la droite et les gens du bien. Et il y en a d'autres qui sont muqarrabin, qui sont très rapprochés d'Allah. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant ces points-là. Il dit, سَبَقَ لَنَا أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ دَرَجَاتِ مِنْهُمُ السَّابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ بِالْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض والنوافل وينالون محبة الله ونصرته وتأييده وهؤلاء هم المقربون ومنهم المقتصدون الأبرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات فهؤلاء مقتصدون وهم الأبرار وأصحاب اليمين يتفاوتون فالسابقون المقربون عندهم زيادة النوافل بعد الفرائض أما المقتصدون فعندهم الفرائض فقط وهي خير خير كثير الفرائض خير كثير. Donc le cheikh il dit, on a expliqué déjà que les croyants sont des degrés, ceux qui ont été les premiers et qui sont rapprochés, très rapprochés d'Allah, ce sont ceux qui se rapprochent d'Allah par les actes obligatoires et les actes supplémentaires qu'ils font parmi les actes qui ne sont pas obligatoires. Et eux, ils reçoivent d'Allah l'amour, le support et la victoire. Ceux-là sont les rapprochés d'Allah. Et parmi les croyants, il y a aussi les gens de la voie moyenne, qui sont les gens du bien. Ce sont ceux qui font les actes obligatoires et qui délaissent les actes interdits, mais qui ne font pas les actes surérogatoires ou les actes supplémentaires, et qui ne vont pas s'abstenir, par exemple, des choses qui sont makruh, détestables. Hein? Donc ceux-là sont les gens du bien, les gens de la droite. Et les autres, ceux qui font des péchés, hein, et qui font des kaba'ir, et qui délaissent parfois des obligations, ceux-là sont les gens qui se font de l'injustice à eux-mêmes, hein, parmi les pécheurs. Donc les gens qui se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont fait des actes obligatoires et surérogatoires, ce sont les sabiqoun al-muqarraboun, ceux qui sont très rapprochés. Et en ce qui concerne les muqtasidoun, eux ils font que les actes obligatoires, et déjà de faire les actes obligatoires et de s'abstenir des interdits, c'est déjà un grand bien. C'est déjà un grand bien. Donc les croyants sont des degrés. Le cheikh dit ensuite, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله وكذلك لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولا فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. Donc le cheikh il dit, donc on sait très bien que aussi que les kuffars et les munafiqin ne sont pas des awliya d'Allah, ne sont pas des serviteurs rapprochés d'Allah, peu importe. De même que la foi et les adorations ne sont pas valables de leur part, parce qu'ils ne croient pas en Allah, hein, parce qu'ils font du shirk. Hein. Et il dit, et si on suppose qu'ils n'avaient pas commis de péché, comme les enfants des mouchriquins et des koufars qui sont morts petits, ou ceux qui n'ont pas reçu et ceux que le message de l'islam ne leur est pas parvenu, hein, et qui sont morts dans l'ignorance de l'islam, hein, si on dit ceux-là ne seront pas châtiés, puisque Allah ne va pas châtier un peuple ou quelqu'un tant qu'il n'a pas reçu de messager, hein, malgré ça, on ne va pas dire d'eux que ce sont des awliya d'Allah. Hein, même si on dit qu'ils ne vont pas être châtiés comme les gens qui ont reçu un messager et qui ont rejeté le message, et qu'ils auront un jugement particulier au jour de la résurrection, cette catégorie-là, hein, Ahlul Fatra, mais malgré ça, ils ne font pas partie des serviteurs rapprochés d'Allah et ceux qu'on appelle Awliya. Sauf s'ils ont été parmi les croyants et pieux, et qu'ils ont été muttaqin. Cheikh Al-Fawzan, il explique ces points-là. Et il dit, لأن قوله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون يخرج الكفار. Donc la preuve que les awliya ne peuvent pas faire partie des kuffar et des munafiqin, c'est le verset 63 dans sourate Yunus, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru et qui ont at-taqwa. Donc celui qui n'est pas croyant et qui n'a pas de taqwa, il n'est pas un awliya, il ne peut pas faire partie des awliya. Donc ça exclut les kuffar. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parmi certains musulmans qui considèrent parfois que quelqu'un peut être un wali même s'il faisait du shirk ou même s'il avait du kufr. Et ça, c'est pas possible. Il dit wa hadha sinf al-thalith. Donc on a mentionné la troisième catégorie de ahlul fatra. Al-sinf al-thani, al-sinf al-thalith al-ladhi لا له ولا عليه وهو الطفل الصغير الذي لم يميز والمجنون الذي ليس عنده عقل وكذلك الذي لم تبلغه الدعوة لا يصح إيمانه لأنه غير مكلف وليس لأنه عنده ناقد من النواقد التي تبطلها بل لأنه غير مكلف ليس عنده شرط الصحة وأطفال الكفار من لم تبلغه الدعوة يعني أصحاب الفترة. Donc ça c'est la troisième catégorie que le cheikh avait mentionné dans les cours précédents, la catégorie de ceux qui ne sont pas punis, qui ne sont pas récompensés non plus, comme les enfants parmi les enfants des mouchriquins et des koufars qui sont morts petits et qui n'ont pas encore atteint l'âge de discernement, l'âge de raison, ou les fous, les personnes qui n'ont pas leur raison, qui n'ont pas leur capacité intellectuelle. Ils ne peuvent pas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux, qu'est-ce qui est la foi, qu'est-ce qui est la mécréance, parce qu'ils n'ont pas leur raison. Également, ceux qui n'ont pas reçu le message de l'islam, ils vivaient dans un endroit dans le monde qui est isolé, où ils n'avaient pas accès à la science, et la connaissance des livres et des messagers ne leur est pas parvenue. Donc ceux-là, ils ne sont pas des awliya, et ne sont pas considérés comme étant des croyants. Et ce n'est pas parce qu'ils ont annulé leur foi par un annulatif de l'islam, mais plutôt parce qu'ils ne sont pas responsables du tout de qu'est-ce qu'ils font, puisqu'ils n'ont pas reçu du tout le message. Hein? Ils n'ont pas la condition nécessaire pour que leur foi ou leur connaissance ou leur pratique soit valide. Et donc c'est pour ça que le cheikh il a mentionné cette catégorie-là, Ahlul Fatra, en disant ces gens-là ne peuvent pas faire partie des awliya non plus. Il dit يعني اختلفوا, Cheikh Al-Fawzan il dit اختلفوا في أصحاب الفترة وأطفال المشركين ومن لم تبلغه الدعوة فمنهم من توقف ومنهم من وكل أمره من الله ومنهم من قال يرسل إليهم رسولا يوم القيامة يدعوهم إلى الله فمن آمن دخل الجنة ومن أبى دخل النار لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقيل إنهم هم المعنيون بقوله عز وجل وبينهما حجاب يعني بين الجنة والنار وعلى الأعراف رجال هؤلاء هم أصحاب الفترة ولكن لا يعذبون وهم ليسوا من أولياء الله ولكن ليسوا كفارا فلا يعذبون لأنهم معذورون. Donc le cheikh il dit les ulama ont divergé au sujet de cette catégorie là des gens qu'on appelle Ahlul Fatra, les gens qui sont venus pendant une période où il n'y avait pas de messager, ou bien qui ont vécu dans un endroit isolé ou qui n'ont pas accès au message des messagers, ou les enfants des mouchriquins qui sont morts petits, qui n'ont jamais connu la foi. Donc, certains parmi les ulama se sont abstenus de parler à leur sujet. C'est-à-dire, nous, on ne sait pas. D'autres, ils ont laissé leur ils ont laissé leur sort à Allah, hein, en disant que c'est Allah qui sait et c'est Allah qui va les juger. Et d'autres ont dit, hein, comme c'est mentionné dans une narration, qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer un messager spécial pour eux, pour cette catégorie-là. Et Allah va leur ordonner de lui obéir. Et ceux d'entre eux qui vont lui obéir vont rentrer au paradis, et ceux qui vont refuser vont rentrer en enfer. Ça, c'est qu'est-ce qui a été mentionné. Et ils disent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 15, dans sourate Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Parce qu'on ne va pas châtier un peuple jusqu'à ce qu'ils aient reçu un messager. Donc si quelqu'un n'a pas reçu de messager, Allah ne va pas le châtier. C'est certain. Hein? Et donc, d'autres ulama ont mentionné que ce sont ceux qui sont mentionnés dans Sourate Al-A'raf. Ceux qui sont sur Al-A'raf, il y aura un voile entre les gens du paradis et de l'enfer. Et sur le mur, ou sur l'A'raf, entre les deux, il y aura des hommes. Ils vont regarder du côté des gens de l'enfer et regarder du côté des gens du paradis. Et ils n'entrent ni en enfer, ni dans le paradis. Hein? C'est comme s'ils sont entre les deux. Donc, certains ulama ont dit que c'est cette catégorie-là. C'est ceux-là dont le verset parle ici. Ils ne vont pas être châtiés, hein? Et ils ne vont pas non plus être des awliya d'Allah. Donc ils ne sont pas des kuffars, mais ils ne sont pas des mu'minines non plus. Donc ils ne vont pas être châtiés parce qu'ils sont excusés. Donc ça, c'est qu'est-ce que certains ulama ont mentionné à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne, il dit: فَمَنْ لَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِفِعْلِ الْحَسَنَاتِ وَتَرْكِ السَّيِّئَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Le Cheikh Ibn Taymiyyah dit, donc celui qui ne s'est pas rapproché d'Allah en faisant les bonnes œuvres et en délaissant les péchés, il ne fait pas partie des serviteurs rapprochés d'Allah et des awliya d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan, il cite comme référence à ce sujet-là le hadith qu'on a lu tout à l'heure. Il dit: وَلَا يَكُنُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ولا يزال عبدي يتقرب إلي. وقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلا يكون وليا لله من لم يتقرب إليه بالفرائض أو بالفرائض والنوافل. Donc il dit, celui qui s'est pas rapproché d'Allah, il n'est pas parmi les awliya d'Allah, ça c'est certain. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith, mon serviteur continue à se rapprocher de moi. Et il dit, et mon serviteur ne se rapprochera de moi, il ne se rapprochera pas de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné de faire. Donc quelqu'un qui ne s'est pas rapproché d'Allah par les actes obligatoires, ou par les actes obligatoires et les actes surérogatoires, il ne peut pas être un wali. Ensuite, il dit, Cheikh al-Islam, وَكَذَلِكَ الْمَجَانِينَ وَالْأَطْفَالِ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne, il dit de même que les fous et les enfants, hein, ils ne sont pas des awliya d'Allah, ils ne sont pas mukallafin, les enfants et les fous. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume par laquelle les anges écrivent les œuvres de chacun, elle est soulevée. C'est-à-dire, ils n'écrivent pas les anges. Pour trois types de personnes. Al-majnoun hatta yufiq. C'est-à-dire la personne qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Was-sabiyu hatta yahtalim. Et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de puberté. Hein? Il n'est pas mukallaf avant la puberté, il n'est pas mukallaf. Et an al-na'im hatta yastayqidh, également celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Quand tu dors, tu n'es pas mukallaf. Si tu fais quelque chose de mal pendant ton sommeil, hein, tu dors puis tu frappes quelqu'un sans faire exprès, t'es pas mukallaf, tu vas pas être responsable. Hein? Donc donc c'est pour dire que pourquoi il mentionne ça aussi. Parce que parmi les soufis, il y en a qui ont prétendu que quand ils font des adorations ou du zikr ou des choses comme ça, ils atteignent un degré de folie, et que quand ils arrivent à ce degré-là, ils disent des paroles de shirk et de kufr, mais ils savent pas qu'est-ce qui sort de leur bouche, parce que ils disent, hein, il est arrivé à un niveau d'extase dans la foi. Donc, eux, ils disent c'est quelque chose qui ressemble à la folie. Et dans ce cas-là, il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, dans ce cas-là, c'est pas des awliya, parce que les fous ne sont pas des awliya. Hein? Les awliya, c'est pas les fous. Hein? Donc, le Cheikh, il dit, donc, à propos de ça, al-qalamu ya'ni at-taklif. Rufi al-qalam ya'ni at-taklif. Donc, la personne, elle n'est plus mukallaf, elle n'est plus responsable de ses œuvres dans ces trois états-là. Quand elle est folle, ou quand c'est un enfant jusqu'à la puberté, elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait, et elle n'est pas mukallaf, et la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Puis Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il dit « وَهَذَا الْحَدِيثِ قَدْ رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِي وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ عَلَى تَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ » Il dit, ce hadith, il a été rapporté par les rapporteurs des Sunan, parmi les hadiths de Ali, radiyallahu anhu, ainsi que de Aisha, radiyallahu anha. Et de, les hommes de science, parmi les savants du hadith, l'ont accepté et ont considéré ce hadith-là comme étant acceptable. Et il parle du hadith, il dit, les qawlihi, sallallahu alayhi wa sallam, muru abna'akum bis-salati li sab'in, واضربوهم عليها لعشر سنين فدل على أنه تصح منهم العبادات ويؤجرون عليها وإن كانت غير واجبة عليهم. Le cheikh, il dit que par contre les enfants, s'ils font la prière avant l'âge de la puberté, eh bien ils seront récompensés et les adorations qu'ils font vont être valables, hein, même si c'est pas obligatoire pour eux. Et la preuve de ça, c'est le hadith rapporté par l'imam Ahmad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la salat à l'âge de 7 ans, puis si à l'âge de 10 ans ils ne la font pas, frappez-les à partir de cet âge-là pour qu'ils la fassent. Donc ça veut dire que ça, c'est la preuve que même s'ils sont pas encore pubères, on doit quand même leur ordonner de faire l'acte de la prière, et qu'ils vont être récompensés s'ils la font. Toutefois, elle n'est pas encore obligatoire pour eux jusqu'à ce qu'ils soient pubères. Hein? Mais si tu attends à la puberté pour lui ordonner de faire la salat, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, ça va être vraiment plus difficile pour lui, surtout à l'âge de la puberté. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on continuera la semaine prochaine. Demain, on va faire le livre de Al-Ubudiyya, puis aussi le livre Kitab al-Tawhid, le Sharh de Kitab al-Tawhid. Puis mardi prochain, on reprendra Al-Furqan, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.